Chapitre 4e, le bal de la Reine Blanche. Léonce de Folfeuille appartenait à la race de ces bons limiers qui, une fois une piste éventée, la suivent jusqu'à ce qu'ils atteignent le gibier. Pendant 8 jours, il déploya toutes les ressources de son imagination pour découvrir si Maresco ne se cachait pas sous le nom de Mélinet, et toutes ses investigations demeurèrent infructueuses. Mais nous le savons, il n'était pas homme à lâcher pied à moitié chemin. Son intérêt, surtout son amour-propre, se trouvait en jeu, car non seulement il se voyait ruiné dans ses espérances, mais chose plus grave, déshonoré à ses propres yeux s'il échouait dans sa mission. De temps à autre, il allait, pour se conformer aux instructions de sœur Joanne, savoir ce qui se passait chez madame de Sanlouco. Mais comme il ne voyait rien de suspect, il revenait bien vite à son idée fixe, découvrir à tout prix Maresco, ou se brûler la cervelle, car il s'était juré de se faire sauter le crâne s'il ne parvenait pas à harponner le capitaine, il était homme à se tenir parole sans sourciller. Il s'était même désigné une date, et il ne lui restait qu'une semaine pour l'atteindre. Un dimanche soir, comme il descendait tout pensif de la butte Montmartre, il fit un soubresaut en apercevant attablé en dehors du café, qui est séparé du bal de la Reine Blanche par un caboulot, un homme fumant gravement dans une grosse pipe d'écume, tout en examinant les individus qui entraient dans le bal. Cet homme était Maresco. Dire tous les projets qui traversèrent le cerveau de Folfouille serait impossible. Il songea d'abord à courir rue des Saules, à entrer de force dans la demeure du prêteur à la petite semaine, et à contraindre sa femme, le couteau sous la gorge, à lui confesser si Mélinet s'appelait réellement Mélinet, et au besoin, à lui montrer son acte de naissance. Il pensa ensuite à dénoncer au premier agent qu'il rencontrerait sur le boulevard, Mélinet comme fabricant de faux billets de banque, dans l'espoir qu'on le retiendrait prisonnier jusqu'à ce qu'il le justifiait de son honorabilité et de son identité. Enfin, 20 idées plus saugrenues les unes que les autres lui passèrent par la tête. Bientôt, son regard tomba par hasard sur une sorte d'ouvrier endimanché qui, en posant devant Mélinet, fit un signe imperceptible auquel ce dernier répondit par un léger clignement d'œil. Puis l'individu prit un billet au contrôle et l'entra dans le bal. Ce signe et ce clignement d'œil n'auraient sans doute pas excité les défiances du poète policier s'ils n'eussent été suivis par d'autres presque immédiatement. En effet, un second, un troisième, un quatrième, puis un cinquième individu, tous vêtus de différentes façons, firent successivement à Mélinet le même signe avant d'entrer à la Reine Blanche, et à chacun de ces individus, il répondit par le même clignement d'œil. Et parmi eux, Folfeuille reconnut, malgré le costume de faubourien dont il s'était affublé, le sémillant adorateur de madame de Sanlouco, Hector de Livran. Il eut d'abord comme un éblouissement. Puis, se rappelant bientôt la visite nocturne d'Hector chez Mélinet, il se dit qu'il avait probablement devant lui toute une bande de malfaiteurs. Quelques instants plus tard, Mélinet quittait sa table et entrait dans le bal. « Ils se connaissent tous et feignent de ne pas se connaître. Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda Folfeuille. À son tour, il prit un billet et il entra dans le bal de la Reine Blanche. De tous les bals excentriques de Paris, celui de la Reine Blanche est sans contredit un des plus curieux. Il y a de tout dans ce boui-boui frétillant, sautillant et dansant. Des domestiques des deux sexes, dont les maîtres dînent en ville, des cuisiniers réformés en quête de nouvelles danses de panier et de bons bourgeois qui veulent se divertir. On y voit également des robes blanches maculées par la boue du boulevard, d'autres qui ont coûté 25 louis et qui dissimulent à peine des jupons effilochés, des coiffures jadis élégantes, mais qui, en passant sur un nombre indéfini de têtes, se sont défraîchies. C'est un sale migondi qui aurait tenté les crayons de Callot ou de Karl Vernet. On arrive à la salle de danse par un couloir à ciel ouvert, enclavé par les murs des maisons voisines. La salle est un quadrilatère allongé tout autour duquel court une sorte de galerie de plein pied avec le sol, où se promènent les gens qui ne prennent point part aux danses abracadabrantes des vestrices de l'endroit. Au fond de cette salle se trouve une autre salle plus élevée à laquelle on monte par 3 ou 4 marches. C'est là que danseurs et danseuses viennent absorber des rafraîchissements dont l'analyse donnerait peut-être du fil à retordre à nos plus habiles chimistes. Au-delà est un jardin avec tonnelles et planté d'arbres rabougris et surchauffé par les libations alcooliques qui ont lieu sur leurs maigres ombrages. Au fond de ce jardin minuscule se dresse une maisonnette ou pavillon au volet clos qui s'ouvre sur le bal. Au premier aspect, cette maisonnette a l'air d'une demeure inhabitée et oubliée par les propriétaires du casino lorsqu'ils ont installé leur salle de bal. Dès 8 heures, les habitués commencent à arriver, les musiciens sont en place, mais rien n'indique que le chef d'orchestre va donner le signal des danses. Peu à peu, la salle se remplit et les tables de buveurs ouvrent le feu des consommations. Quelques municipaux se promènent gravement çà et là, comme pour rappeler par leur présence que les fantaisies chorégraphiques ne doivent pas dépasser certaines limites prescrites par la décence. Perdu dans la foule, Léonce de Folfeuille suivait de regards mélinés les individus aux signaux mystérieux. Tous se tenaient isolés les uns des autres, comme s'ils ne se connaissaient pas. L'un, assis à une table, buvait un grog soi-disant américain. Un autre, placé plus loin, savourait un boc en fumant un soutados. Et ainsi des autres. À un moment donné, tous se levèrent et se rapprochèrent de la salle de danse. Folfeuille alla se placer à quelques pas. Tout le monde faisait cercle autour d'un couple dansant. Le danseur était le bel Hector, sa danseuse, une superbe rousse aux cheveux ébouriffés et à la toilette voyante. Tous deux étaient magnifiques à voir. Le démon de la danse semblait s'être incarné dans leur personne. Ils avaient des poses indescriptibles, des levées de jambes d'acrobates et des bonds vertigineux. La salle tout entière éclata en applaudissements. Les municipaux eux-mêmes s'arrêtèrent dans leur promenade circulaire et parurent prendre un vif intérêt à ce spectacle véritablement phénoménal. La force publique souriait, elle était désarmée. « À voir ce gaillard-là, pensait le policier, on croirait qu'il est venu uniquement ici pour se trémousser. Mais je ne me laisserai pas pincer à ses rondes jambes. » Lorsque la contredanse fut achevée, on voulut porter Hector en triomphe. Modeste comme tout homme qui connaît sa valeur, il s'esquiva prestement dans le jardin. Léonce de Folfeuille s'aperçut seulement alors que Mélinet et les autres individus suspects avaient suivi le mouvement en avant du danseur acclamé. Il joua des coudes et parvint, non sans peine, à se frayer un chemin et à se faufiler dans le jardinet. Là, la cohue était compacte, on s'étouffait, on se battait pour arracher au garçon de service une chope de bière ou une limonade gazeuse. Folfeuille chercha à rejoindre ceux qu'il filait, mais ce fut inutilement. Hector avait disparu, et avec lui, s'étaient éclipsés tous les autres. On aurait pu croire qu'une trappe s'était tout à coup ouverte et refermée sur eux. Mais le poète policier ne croyait pas à l'existence de trappes dans un bal public, et il continua ses recherches. Il inspecta une à une toutes les tonnelles, puis il rentra dans le bal avec l'espoir d'y retrouver ses hommes. Il n'y était point. Il retourna alors dans le jardinet, pour s'assurer s'il n'y avait pas quelque porte de sortie, quelque issue secrète. Ce fut en ce moment qu'il remarqua la maisonnette aux volets fermés. Soit curiosité, soit pressentiment, il s'approcha, regarda à travers les fentes des volets, et un rayon lumineux vint frapper ses yeux. Il prêta l'oreille, et malgré le bruit assourdissant des conversations voisines, il crut entendre partir de l'intérieur comme le murmure de plusieurs voix. « Ils doivent être là !» se dit Léonce de Folfeuille. Comme il se faisait cette réflexion, il fut heurté assez rudement par un garçon de café qui portait un énorme bol de ponche sur un plateau. « Circulez donc !» dit le garçon en ouvrant la porte du petit pavillon. Folfeuille se rangea et tout en se rangeant, jeta un rapide coup d'œil dans l'intérieur et il aperçut, assis autour d'une table, le bon danseur Hector, M. Mélinet et les 4 autres individus qui avaient eu l'air de ne pas se connaître. « Ah !» pensa-t-il, « c'est ici que le vent tient ses conseils. » « Mais j'y suis, » poursuivit-il en se frappant le front. « Parbleu, tout s'explique. Mélinet, le prêteur à la semaine, doit être Maresco. Maresco, chef de bandit, qui se cache sous un nom et sous une profession d'emprunt pour dépister la police. Oui, ce doit être cela. J'en mettrai les deux mains au feu. » La porte du pavillon s'était refermée, et comme il ne pouvait rien entendre de l'extérieur, il prit le parti de se retirer. Il en avait d'ailleurs assez vu pour avoir une opinion faite, et il se promit de ne pas s'en tenir là. Pendant une partie de la nuit, Léonce de Folfeuille rêva aux moyens qu'il emploierait pour pénétrer dans la place, c'est-à-dire dans la maisonnette, et le lendemain matin, vers 7 heures, il se rendait à la barrière blanche. Il avait endossé le costume respectable d'un rentier entre 2 âges. Le poète policier appelait ce déguisement sa petite tenue. Ainsi transformé, il se promena de long en large sur le boulevard, un cigare à la bouche, et jetant de temps à autre un œil investigateur dans l'avenue qui conduisait à la salle de bal de la Reine Blanche. Quelques garçons de café étaient occupés à mettre tout en ordre dans l'établissement. Léonce de Folfeuille, qui avait le flair des physionomies, avisa parmi eux un jeune drôle aux cheveux jaunes et à la bouche gouailleuse, un type pur sang de ces voyous parisiens qui, le soir, aux abords des théâtres, ouvrent les portières des fiacres, bandent des contremarques et ramassent des bouts de cigares. « Voilà l'auxiliaire dont j'ai besoin, » pensa le policier. Il continua sa promenade et prit l'occasion de se mettre en rapport avec lui. L'occasion ne se fit pas longtemps attendre. Le jeune voyou, au coup de 10 heures, quitta ses éponges et son seau et se dirigea vers l'une de ces gargotes où l'on peut déjeuner, moyennant 50 centimes, le carafon de vin compris. Folfeuille le suivit. Il remarqua avec satisfaction que le caboulot était à peu près vide, ce qui lui permettrait d'entrer plus librement pour parler avec le jeune individu sur lequel il avait jeté son dévolu. Lorsqu'il entra dans la salle, qui servait tout à la fois de cuisine et de réfectoire, il aperçut le laveur de plancher assis devant une soupe aux choux fumantes et un morceau de bœuf aux haricots. Folfeuille prit place à une table voisine. Une grosse fille aux joues rebondies vint lui demander ce qu'il fallait lui servir. « Donnez-moi la carte, » répondit-il. La grosse fille joufflue se prit à rire d'un rire niais. « Nous n'avons pas de carte ici, » dit-elle. « On n'y sert que les plats du jour. Et quels sont ces plats ? La soupe aux choux, du bœuf aux haricots et du lapin sauté. C'est tout ? Il y a bien une volaille froide, mais cela se paye comme extra. »« Bah pour la volaille !» fit Folfeuille. Le voyou, qui n'avait pas perdu une seule syllabe de ce colloque, regarda son voisin du coin de l'œil. « C'est un bourgeois qui a du quibus, » pensa-t-il. « Sont-ils heureux, ces bourgeois ?»« Vous pourrez bien me procurer une douzaine d'huîtres, » poursuivit Léonce. « C'est facile, il y a une écaillère au coin de la rue Lepic, » dit la grosse fille aux joues rebondies. Puis elle ajouta, « Quel vin faudra-t-il à monsieur ? Nous en avons de toutes les qualités. Chablis, pour commencer. »« C'est monsieur de Rothschild déguisé, bien sûr, » se dit le jeune laveur de plancher. Folfeuille, sans en avoir l'air, surveillait son voisin dont les convoitises s'allumaient graduellement en entendant les détails du menu. Il jugea que le moment de l'attaque était venu. « Votre soupe au choix est-elle bonne, l'ami ? » lui demanda-t-il. « C'est tout ce qu'on peut avoir de mieux pour le prix, monsieur, » répondit mélancoliquement le voyou. « Mais mes finances ne me permettent pas de me procurer des douceurs comme vous. » Léonce de Folfeuille sourit à la façon d'un homme qui ne comprend pas qu'on puisse déjeuner à moins de 5 à 6 francs par tête. « Je n'aime pas à manger seul, » répliqua-t-il. « Si vous le voulez, nous rapprocherons nos tables. »« La chose peut se faire, » dit le jeune drôle, qui flairait une bonne aubaine. « Aimez-vous les huîtres, mon garçon ?» reprit le poète policier. « Je les adore. »« Très bien, nous partagerons ma douzaine, et si ça ne suffit pas, l'écaillère n'est pas bien loin. » Le déjeuner commença et fut largement arrosé de chablis et de bordeaux. Au gruyère, Folfeuille et son invité étaient devenus intimes. Au café, Léon s'aborda le chapitre des confidences. « Tel que vous me voyez, jeune homme, j'aime les jolies femmes. »« C'est dans la nature, mon bourgeois, » répondit le lessiveur de plancher. « Moi aussi, je les aime. » Folfeuille partit de là pour raconter qu'il avait pour connaissance une jeune et charmante rousse, et il photographia, pour ainsi dire, la superbe fille qui avait eu la veille un succès pyramidal avec le vicomte Hector de Livran. « C'est Olympe, la belle Olympe, » interrompit son invité. « D'où la connaissez-vous ? » repartit le poète policier en jouant l'étonnement. « C'est une habituée de notre bal. »« Vous devez vous tromper, l'ami. Olympe m'a affirmé sur la croix de sa mère qu'elle détestait la danse. »« Des frimes, bourgeois. Je suis employé dans l'établissement, je sais bien ce que je dis, et si M. Hector était ici ?»« Hector, qu'est-ce que c'est Hector ?»« C'est le danseur habituel de Mademoiselle Olympe, son danseur et... »« Je ne vous dis que ça. » « Je comprends, » dit Folfeuille, « mais je ne croirais ce que vous me racontez là que si je le voyais, et encore. Vous n'avez qu'à aller à la Reine Blanche, il vous sera facile de vous en convaincre, mais si j'y vais, Olympe m'apercevra, et elle cachera son jeu avec ce monsieur Hector. Ça, c'est présumable. Une idée. Laquelle, bourgeois ? N'y aura-t-il pas dans votre bal un petit coin où je pourrais la surveiller sans être vu d'elle ? Il ne manque pas de coin. Il y a d'abord les tonnelles qui sont de plein pied avec la salle de danse, « Mais les arbres qui vous empêcheraient d'être vus, eh bien, vous empêcheraient de les voir. Alors vos tonnelles ne rempliraient pas mon but. Dame, mon bourgeois, à moins de vous mettre un faux nez, je ne vois pas comment. Vous oubliez, mon ami, que nous ne sommes pas en carnaval. C'est juste. Ainsi, je ne pourrai rien savoir, » dit Folfeuille d'un ton navré, tout en versant un verre d'eau de vie à son invité. Celui-ci le mut d'un seul trait, puis il réfléchit pendant quelques instants. « J'ai votre affaire, bourgeois. » « Ah bah ! » fit le poète policier. « Voilà la chose. Monsieur Hector et plusieurs de ses amis ont l'habitude de se réunir le dimanche et le jeudi de chaque semaine dans un petit pavillon qui se trouve au bout du jardin, et ils y conduisent quelquefois leurs dames. « Ah hein !» dit Folfeuille. Ils se tiennent dans la pièce qui est au rez-de-chaussée, si bien qu'en vous cachant l'étage au-dessus, vous pourriez savoir à fond de quoi ils retournent dans le jeu de Mademoiselle Olympe. « Jeune homme, répondit le poète policier d'une voix émue, si vous me rendiez un pareil service, je ne reculerai pas devant deux genêts de 20 francs pour vous témoigner ma reconnaissance. Vrai, mon honorable bourgeois, j'en ajouterai même un troisième. Convenu, dit le jeune drôle, enchanté de l'aubaine. Je songe à une chose, reprit Léonce. Laquelle, mon bourgeois? Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de voir le pavillon dans lequel je me cacherai pour pied Olympe? C'est facile. Les employés de l'établissement seront à 7 heures en train de déjeuner. Folfeuille solda la dépense et suivit le laveur de plancher. Lorsqu'ils furent dans le jardin de la Reine Blanche, ce dernier alla chercher la clé de la maisonnette, revint au bout de quelques minutes et ouvrit la porte. Le rez-de-chaussée se composait tout simplement d'une grande pièce réservée aux habitués privilégiés de l'endroit. Le premier était un grenier ou cabinet de débarras dans lequel on n'entrait que rarement. Il était percé de 2 fenêtres, l'une donnant sur le jardinet du bal, l'autre sur le jardin d'une maison voisine qui s'ouvrait sur l'impasse Cauchois. On arrivait à ce grenier par un escalier très étroit d'une 12aine de marches. La pièce du bas était chauffée pendant l'hiver par un poêle de faïence dont les tuyaux traversaient le plafond et le grenier. Le poète policier, avec sa rapidité de coup d'œil, vit tout le parti qu'il pouvait tirer de la disposition des lieux. « Une fois là-haut, dit-il à son cicérone, je pourrai tout entendre. En enlevant des tuyaux du poêle, les bandes de paroles d'Olympe m'arriveront comme par un cornet acoustique. « Vous n'aurez pas besoin de ça, bourgeois, repartit le jeune drôle. Aujourd'hui ou demain, le fumiste doit venir démonter les tuyaux qui sont en mauvais état, et il se passera bien une semaine avant qu'il les ait remplacés. Vous pourrez donc, au moyen du trou du plafond, entendre tout ce qu'il va se dire. Et de plus, si ça peut vous être agréable, voir la frimousse de M. Hector. Fort bien, mon camarade. Maintenant, quel jour faudra-t-il venir m'installer dans ma cachette? Jeudi, si vous le voulez, bourgeois. C'est un des jours de réunion de ces messieurs. Le bal ne commence pas avant 8 heures. Venez à 7 heures et je vous ouvrirai à la porte du pavillon. Seulement, prenez garde à faire du bruit. Ces particuliers-là sont de rue de Lapin. Et s'ils se doutaient qu'on surveille leur ami, M. Hector, ils vous feraient un mauvais parti. « Suffisite, et à jeudi à 7 heures, répondit Folfeuille en glissant, comme art du marché passé, une pièce de 10 francs dans la main du jeune voyou.